الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre du savant Hanbali, Abu al-Wafa, Ali ibn Aqil, rahimahullah ta'ala, intitulé « Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashru'a » chapitre sur les politesses et les nobles comportements légiférés. Nous allons voir aujourd'hui certaines bienséances liées à l'habillement et aux vêtements. Il a dit « Rahimahullah »« Faslun wa lubsul harir muharramun ala rijal mubahun lin-nisa » chapitre et porter de la soie est interdit pour les hommes et permis pour les femmes. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahullahu ta'ala, d'après Hudhayfa radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne portez pas de soie et ne buvez pas dans des récipients en or et en argent. » Et ne mangez pas dans leurs plats, c'est-à-dire dans les plats d'or et d'argent. Car ils sont pour eux dans ce bas monde, c'est-à-dire pour les mécréants, et pour nous, c'est-à-dire pour les musulmans, dans l'au-delà. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne portez pas de soie, et celui qui la porte dans ce bas monde ne la portera pas dans l'au-delà. » Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Dawud, An-Nasa'i et d'autres, et authentifié par l'Albani, rahimahumullahu ta'ala, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour pris de la soie et l'a mise dans sa main droite. Puis il a pris de l'or et il l'a mis dans sa main gauche. Puis il a dit, ces deux choses sont interdites pour les hommes de ma communauté et permises pour leurs femmes. Ces deux choses sont interdites pour les hommes de ma communauté et permises pour leurs femmes. Et les gens de science ont mentionné qu'il fait partie de la sagesse, de l'interdiction du port de la soie pour les hommes, que c'est une forme de gaspillage les concernant, et que cela comprend également une certaine forme d'orgueil et de vanité. Mais aussi, c'est une assimilation aux femmes. En effet, celui qui porte des vêtements de soie aura un air efféminé. Et ceci est blâmable dans notre noble religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes de s'efféminer et aux femmes de se masculiniser. Et également cela comprend une certaine ressemblance aux mécréants car, comme on l'a vu dans le hadith, ce sont eux qui portent ce genre de vêtements dans ce bas monde. Quant aux femmes, il leur est permis de porter des vêtements de soie, et ce car c'est pour elles une forme de parure et d'embellissement. Et les hommes ne sont pas semblables aux femmes à ce sujet. Et ça c'est très important de le souligner aujourd'hui. Car malheureusement, certains hommes se sont efféminés au point de se faire des soins ou des embellissements semblables à ceux pratiqués par les femmes. Et ceci est contraire à la virilité de l'homme et à sa masculinité. Et comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'homme soit efféminé, qu'il s'assimile aux femmes. Et entre dans cela la parure et l'embellissement. Et il fait exception à l'interdiction du port de la soie pour les hommes s'il y a une nécessité, un cas de force majeure, comme le fait de se protéger de la chaleur ou du froid, sans avoir rien d'autre à mettre sur soi, ou encore pour couvrir sa nudité, en cas de force majeure. Et également, les gens de science ont mentionné qu'il fait exception à l'interdiction s'il y a un besoin comme, en raison, d'une maladie ou d'une démangeaison, pour laquelle on espère que le port de la soie soit profitable afin de l'atténuer. Et la preuve à ce sujet est le hadith de Anas, radiyallahu anhu, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à Abd al-Rahman ibn Auf et à Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhuma de mettre des vêtements de soie durant un voyage en raison d'une démangeaison dont ils souffraient. Donc ceci fait exception à l'interdiction. Wallahu ta'ala a'lam. Quant au fait de se couvrir avec des couvertures de soie ou des draps de soie ou de s'asseoir sur des divans de soie ou de s'accouder sur des coussins de soie, tout ceci entre dans l'interdiction concernant les hommes. La preuve à ce sujet est le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu qui dans une narration rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de boire dans les récipients d'or et d'argent et de manger dedans et il nous a interdit le port de la soie et de nous asseoir dessus. » Et de nous asseoir dessus, c'est-à-dire concernant les hommes. Reste une dernière question concernant la soie et l'interdiction de la porter concernant les hommes. Est-ce que cela englobe également la soie synthétique ou artificielle, yani celle qui n'est pas réelle? Elle y ressemble, mais ce n'est pas de la soie naturelle. Les gens de science ont dit que c'est un tissu qui est permis. Toutefois, l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous a dit que malgré la permission de ce tissu pour les hommes, car ce n'est pas de la soie, il ne lui convient pas de porter des vêtements faits à partir de celle-ci si ces vêtements sont apparents comme le qamis ou autres vêtements apparents, car ceci est une forme de rabaissement et de frivolité contraire à la virilité de l'homme. De plus, si quelqu'un le voit vêtu de ce vêtement, il se peut qu'il pense que ce vêtement est fait de soie naturelle, et qu'il pense alors qu'il soit tombé dans l'interdit, qu'il ait une mauvaise opinion de lui, ou pire encore, qu'il le suive en cela, et pense que la soie n'est pas interdite, wallahu musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question et il a dit « وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبْ حَتَّى الْخَاتَمْ وَلَوْ بِقَدْرِ عَيْنِ الْجَرَادَةِ » Et de la même manière, il est interdit de porter de l'or, toujours pour les hommes, en dehors des femmes. En effet, il n'est pas permis pour les hommes de porter quoi que ce soit fait à partir d'or. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, même une bague, même si ceci n'est que de la taille de l'œil d'une sauterelle. Car comme on l'a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'or est interdit pour les hommes et permis pour les femmes. Donc il n'est pas permis à l'homme de porter une bague en or, il ne lui est pas permis de porter une montre en or ou une montre dont le bracelet est fait à partir de l'or, même s'il n'y a sur ce bracelet ou sur cette montre que certains points d'or. Également, il ne lui est pas permis de porter des lunettes en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela est interdit pour les hommes de sa communauté. Et cela est permis pour les femmes, car ceci également fait partie de leur parure et des choses par lesquelles elles s'embellissent. Il est donc permis aux femmes de porter des parures d'or, en respectant l'usage connu chez les femmes. Que l'or soit peu ou abondant, que ce soit de l'or cerclé ou non, il lui est permis de le porter, incha'Allah ta'ala, d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ali, radiyallahu anhu, dans lequel il a dit que ceci est permis pour les femmes de sa communauté. Et les gens de science ont mentionné que cela devient interdit si ceci est une chose qui n'est pas d'usage chez les femmes. Comme par exemple, comme cela pourrait arriver à notre époque en raison de l'excès dans lequel sont tombés nombre de personnes, qu'une femme mette des chaussures faites à partir d'or. Ceci est contraire à l'usage et cela serait donc interdit, car ceci n'est pas une parure et n'est pas une forme d'embellissement. Également, cela deviendrait détestable s'il y a en cela une forme de gaspillage. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » Et ne gaspillez pas, ne dépassez pas les limites, car Allah n'aime pas « al-musrifin » ceux qui font du gaspillage. Ceci concernait donc le porc, de la soie et de l'or qui sont interdits pour les hommes et permis pour les femmes. Et avant de terminer avec cela et de passer à la question suivante, il est d'une grande importance ici de souligner que ce qui est interdit pour les hommes, alors il est interdit au tuteur de l'enfant de lui faire porter. C'est-à-dire que le petit garçon, il n'a pas de compte à rendre. La plume est levée. Mais ses parents qui sont responsables de lui, ils doivent observer son apparence et ne pas le vêtir d'une chose qui est interdite pour les hommes. Et de la même manière concernant les filles, ne pas les vêtir de vêtements qui ne sont pas convenables. Jabir, radiyallahu anhu, a dit à ce sujet concernant les vêtements de soie, « Nous les retirions de nos garçons et nous les laissions sur nos filles. » Nous les retirions de nos garçons et nous les laissions sur nos filles. Et cette parole est rapportée par l'imam Abu Daoud et authentifiée par l'imam Al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. Et on rapporte de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il vit un jour un de ses fils porter un qamis en soie. Il l'a alors déchiré et a dit « Ceci est pour les femmes ». L'imam Malik, rahimahumallahu ta'ala, a dit « Je réprouve que les garçons se vêtissent de soie et d'or » comme je le réprouve pour les hommes. Comme je le réprouve pour les hommes. Même si l'enfant n'a pas de compte à rendre, ceux qui sont responsables de lui, ses pères et mères, ont eux des comptes à rendre. Et ils doivent respecter les prescriptions islamiques à ce sujet. Al-Hafidh ibn Abdilbar, rahimahullah ta'ala, a dit « Quant au fait de mettre une bague en or, alors je ne connais personne parmi les imams de la fatwa ayant autorisé cela aux hommes. Et tous le réprouvent pour les garçons, car les parents doivent se soumettre aux règles aussi à travers leurs enfants. » Fin de citation de la parole d'Ibn Abdilbar, rahimahullah ta'ala. Méditez sur cette parole immense. Les parents doivent se soumettre aux règles aussi à travers leurs enfants. Il y a certaines personnes qui savent que des choses sont interdites. Ils laissent leurs enfants les faire. Ils mettent à leurs enfants des tenues interdites. Ils les laissent porter des vêtements impudiques et autre chose semblable. Les règles que tu respectes pour toi, il t'incombe de t'y soumettre à travers tes enfants. Et en plus de cela, si tu veilles à leur apparence et que tu veilles à leur apprendre ces bonnes manières dès leur plus jeune âge, tu vas alors les habituer à l'accomplissement du bien et les habituer à délaisser tout ce qui est interdit. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit « Même si l'enfant n'est pas responsable, son tuteur est responsable, et il ne lui est pas permis de le laisser commettre l'illicite, car il s'y habituera et il sera difficile pour lui de le délaisser. » Il sera difficile pour lui de le délaisser. L'enfant qui s'est habitué à mettre certaines tenues, inconvenable, contraire aux prescriptions islamiques. Lorsqu'il va grandir, il sera difficile pour lui de changer de vêtements, garçon ou fille. C'est pour cela qu'il convient aux parents et aux tuteurs des enfants de ne pas les laisser commettre l'illicite et de les habituer rapidement à ce qui est convenable. Tu observes l'apparence de tes enfants et tu ne les laisses pas porter de vêtements interdits, porter de vêtements impudiques ou s'assimiler dans leur apparence et leur accoutrement aux mécréants et aux pervers. L'imam Al-Ajurri, rahimahullahu ta'ala, a dit à ce sujet, il est obligatoire aux parents d'interdire à leurs enfants l'accoutrement des pervers et leur fréquentation. En effet, en s'assimilant à eux, de par son apparence, il risque également de s'assimiler à eux dans leurs mœurs et leur comportement, wal'iyadu billah. Donc ceci n'est pas une chose à négliger. Certains pensent que l'apparence n'a pas d'importance. D'autres vont jusqu'à dire ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais en réalité, premièrement, ton apparence, elle va traduire ce qu'il y a dans ton cœur. C'est un reflet, bi'inillahi ta'ala, de ce qu'il y a dans ton cœur. Deuxièmement, cette apparence, si tu y veilles, elle va avoir aussi un effet positif sur ton cœur. Car celui qui s'apparente au meilleur des hommes, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, on peut espérer pour lui qu'il en vienne à s'assimiler aussi à eux dans son for intérieur, dans ses mœurs, dans son comportement, dans ses adorations. Et inversement, celui qui s'habille comme les gens pervers, comme les gens débauchés, même si au départ il se peut que ce ne soit qu'une apparence, il va petit à petit se laisser aller et les suivre dans leur comportement, les suivre dans leurs mœurs, et pire encore, les suivre dans leurs croyances. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَا يُكْرَهْ لُبْسُ الْخَزِّي الَّذِي يَشُوبُهُ الْوَبَرُ وَيَكُونُ الْوَبَرُ أَكْثَرُ » Et il n'est pas détestable de porter « al-khaz » qui est mélangé à la fourrure, si la fourrure est plus abondante. Donc ici, il nous dit que s'il y a un tissu qui est fait à partir de fourrure, et qu'à celui-ci est mélangé un peu de soie lors du processus de fabrication, mais que la fourrure est plus abondante, alors ceci n'entre pas dans l'interdiction. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكَذَلِكَ الْعَتَابِ الَّذِي يَكُونُ الْقُتْنُ فِيهِ أَكْثَرْ مِنَ الْقَزْ. Il dit, de la même manière, الْعَتَابِ, qui est une forme de vêtement, dans lequel le coton est plus abondant que الْقَزْ, qui est une sorte de soie. Donc, comme on a dit, si, dans le processus de fabrication, la soie est utilisée, mais de manière inférieure à l'autre matière utilisée, alors il n'y a pas de gêne et pas d'interdiction pour l'homme, tant que cela n'entre pas dans un autre interdit comme l'assimilation aux femmes ou l'assimilation aux mécréants. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَا يَجُوز جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِّيَابِ وَلَا الْمَفَارِشِ والسطور. Et il n'est pas permis d'apposer des images, c'est-à-dire des images d'être vivant, d'être animé, sur les vêtements, sur les couvertures ou les tapis, ainsi que les rideaux. وَهُوَ مَكَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانِ. Et c'est ce qui correspond à la représentation d'un être vivant, d'un être animé. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une soura, une représentation d'un être vivant, d'un être animé parmi les hommes ou des animaux. Donc ceci est interdit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les couvertures, sur les housses de coussins ou d'oreillers, sur les rideaux, ou toute autre chose se trouvant dans la maison. Car ceci est une chose empêchant l'entrée des anges dans ta demeure. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent que Aïcha, radiyallahu anha, avait acheté un petit coussin sur lequel il y avait des représentations. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui alors dit « Qu'est-ce que ce coussin ?» Et elle lui dit « Je l'ai acheté pour toi, afin que tu puisses t'asseoir dessus et t'accouder dessus. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit « Les auteurs de ces représentations seront châtiés au jour de la résurrection. Et on leur dira « Faites vivre ce que vous avez créé. Faites vivre ce que vous avez créé. » Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la maison dans laquelle se trouvent des représentations, les anges n'y entrent pas. Les anges n'y entrent pas. Les anges de la miséricorde, ceux qui sont une cause de bien dans ta demeure. Ils réprouvent le fait de rentrer dans celle-ci s'il s'y trouve des représentations interdites, parmi les représentations d'êtres humains ou d'animaux, ou autre chose semblable. Il délaisse cette demeure à titre de sanction pour celui qui a fait entrer ses représentations chez lui, le privant ainsi de la bénédiction de la présence des anges dans son foyer, de leur invocation en sa faveur et de leur protection contre les nuisances des démons. Si les anges n'entrent pas dans ta demeure, ce sont les démons qui y prendront place. Wal'iyadhu billah. Et nombreux sont ceux parmi les gens à se plaindre de nombreux maux, se plaindre de conflits incessants dans leur demeure, se plaindre d'un mal-être, se plaindre d'un mauvais sommeil, de cauchemars, de pleurs des enfants au milieu de la nuit, et autres choses semblables. Puis si tu observes leur demeure, tu verras qu'elles sont remplies de causes empêchant les anges de la miséricorde d'y entrer. On y trouvera des images, des représentations, des photos sur les murs, de nombreux jouets représentant des êtres animés, et ainsi de suite parmi les choses qu'on peut y trouver empêchant les anges d'entrer dans cette demeure. Ces anges qui, lorsqu'ils sont présents, sont une cause, bi'idhnillahi ta'ala, de sérénité et de quiétude dans ce foyer. Ces anges qui invoquent en faveur des croyants, implorent le pardon en ta faveur, sont une cause d'un grand bien, et qui également repoussent les démons de ton foyer. Donc comme ils ne peuvent pas entrer, les démons prennent place. Et à partir du moment où les démons sont présents, attends-toi à toutes sortes de méfaits, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Même si ce péché s'est aujourd'hui banalisé, ses conséquences néfastes sont apparentes sur nombre de personnes au sein de la communauté. Donc celui qui veut le bien pour lui-même, celui qui veut le bien pour son foyer, celui qui veut le bien pour sa famille et ses enfants, qu'il soit attentif à cela et qu'il cherche à régler les problèmes à leur source en purifiant son foyer de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Et entre dans cela les représentations d'êtres animés. Certains parmi les gens de science ont soutenu que le fait de couvrir un coussin, de faire des housses ou autre chose semblable avec des tissus sur lesquels se trouvent des représentations serait permis. Et ils ont pris pour argument un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Aïcha radiallahu anha qui rapporte qu'elle avait mis un rideau sur lequel se trouvaient des représentations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est alors entré et l'a retiré ce rideau. Et elle dit, radiallahu anha, qu'elle a coupé ce tissu, le tissu de ce rideau, et en a fait deux coussins. Et dans une narration de ce hadith, rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, il est mentionné, « Je l'ai vu accoudé sur l'un d'eux, et il y avait sur celui-ci une sourah. » Et ce qui paraît le plus juste à ce sujet, comme l'ont mentionné certains parmi les savants, est que cette représentation, une fois le tissu coupé pour en faire une housse, la représentation était coupée et divisée. C'est-à-dire que ses formes étaient séparées et il ne restait plus sur le coussin une représentation entière faisant partie des représentations interdites. À partir de là, ce hadith n'est pas un argument pour dire qu'il serait permis de laisser des représentations sur ce qui est négligé, comme des housses, des tapis ou autre chose semblable. Ajoutez à cela que ces représentations entre dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une représentation. Que cette représentation soit plate ou en relief. Car certaines personnes pensent que les représentations interdites sont seulement les statues, les figurines ou autre chose semblable. Mais entre dans cela également les images que l'on peut trouver dans les livres, dans les revues et ainsi de suite. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit au sujet de la parole de certains savants qui voient la permission des représentations n'ayant pas d'ombre, c'est-à-dire des représentations plates qui ne sont pas sculptées, qui ne sont pas en relief. Il dit « Ceci est un avis qui est faux, qui est batil, car le rideau qu'a réprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la représentation qui s'y trouvait, nul doute que c'était une représentation blâmable. » Et cette représentation n'avait pas d'ombre, elle n'était pas en relief, elle était sur un rideau. Ajoutez à cela les autres hadiths généraux qui concernent toute sourah, toute représentation. Fin de la parole de l'Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que si on retire de l'image ce qui lui fait perdre son aspect d'être vivant, comme en lui retirant la tête, alors ceci n'est plus une représentation interdite. Si on retire le visage ou si on retire la tête, alors ceci n'est plus une image faisant partie des images interdites, et ce d'après la parole qu'on rapporte de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, as-sura et la tête, la représentation et la tête. Si la tête est retirée, alors il n'y a pas de représentation. Et on souligne une fois de plus qu'on parle ici des représentations donc d'êtres animés. Quant aux représentations, aux tableaux ou autres, sur lesquels se trouvent des images, de paysages, de fleurs, d'arbres ou autres choses semblables, alors il n'y a aucun interdit en cela. Wallahu ta'ala a'lam. Reste à traiter à ce sujet deux questions, parmi les questions par lesquelles sont éprouvées nombre de personnes à notre époque. La première concerne les photos. Comme vous le savez, on peut trouver des paroles de certains parmi les gens de science mentionnant que la photographie n'est pas semblable aux images qui sont faites de la main de l'homme. Et ils ont dit que ceci n'est qu'un arrêt sur image de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc pas d'imitation de sa création. D'autres ont dit cela est semblable à la personne qui se met devant le miroir. Et nul doute que cet avis est un avis erroné. Premièrement, car ton image, lorsqu'elle apparaît dans le miroir, elle n'est pas fixe et elle n'est présente que lorsque tu te trouves devant le miroir. Alors que la photo, une fois qu'elle est prise, qu'elle est enregistrée, celle-ci est fixe et elle ne disparaît pas. Également, lorsque tu apparais dans le miroir, tu ne fais rien pour apparaître si ce n'est te mettre devant le miroir. Alors que la photo, il y a un processus et des actions qui sont faites par l'homme, au moment de la prendre et également au moment du tirage. Donc tout ceci nous démontre la différence entre le miroir et la photo. Également, on peut ajouter à cela que le reflet de ta personne dans le miroir ne s'appelle pas en arabe sourah. Ce n'est pas une représentation. Contrairement à la photo qui, elle, est appelée sourah, qui est ce mot employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les nombreux hadiths où il interdit cela. Donc toutes ces différences, le fait que l'image photographiée et qui a été tirée ou imprimée va rester, qu'il y a une intervention humaine et que celle-ci s'appelle sourah, est plus à même de l'associer aux sculptures ou aux peintures ou autre chose semblable. Et c'est pour cela que l'avis le plus juste à ce sujet, comme l'ont mentionné l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, est que les photos sont interdites comme les autres formes de surah qui sont faites à la main. Et celles-ci ne sont permises qu'en cas de nécessité ou de besoin, pour ce qui est exigé par l'intérêt général comme les pièces d'identité, le passeport, le permis de conduire ou autres parmi les dossiers administratifs pour lesquels il nous est demandé de fournir une photo d'identité. Ceci est permis et sort de l'interdiction. Quant aux photos souvenirs ou autres choses semblables, alors celles-ci font partie des représentations interdites. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, qu'en est-il des poupées pour les petites filles? On entend certaines personnes dire « Oui, mais les poupées ou les figurines pour les petits garçons qu'il y a aujourd'hui sont permises car Aïcha radiallahu anha jouait avec des poupées. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Donc tout d'abord, avant de prétendre cela, il est nécessaire de connaître les détails à ce sujet. Qu'est-ce qui est rapporté? Quel est le récit réel rapporté à ce sujet? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'une de ses batailles et il vit des objets appartenant à Aïcha radiallahu anha. Il lui dit alors, qu'est-ce que c'est, ô Aïcha? Qu'est-ce que c'est? Méditez bien sur cette parole, qu'est-ce que c'est? Cela signifie que ceci n'était pas apparent. Elle dit alors, ce sont mes filles. Et il vit, parmi ses jouets, l'un d'entre eux qui avait la forme d'un cheval avec deux ailes. Il lui dit alors, qu'est-ce que celui-ci que je vois au milieu d'entre elles? Elle dit, c'est un cheval. Les gens de science ont dit, s'il avait vu clairement que c'était un cheval, que c'était la représentation exacte d'un cheval, il n'aurait pas interrogé. Il dit ensuite, « Et qu'est-ce qui est sur lui ?» Elle répondit, « Ce sont deux ailes. » Il dit alors, « Un cheval avec deux ailes. » Puis elle dit, « N'as-tu pas entendu que Suleyman avait un cheval qui avait des ailes ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire au point de laisser apparaître ses molaires. Donc on voit dans ce hadith que la représentation n'était pas réelle. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les vit, il demanda à Aïcha radiallahu anha ce que c'était. Et elle lui dit, c'est un cheval. Et si c'était une représentation réelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait vu et n'aurait pas interrogé à ce sujet. Le cheikh, l'imam Mohammed ibn Ibrahim Ali Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit que si la poupée est faite de laine ou de coton et qu'elle n'est pas semblable à une représentation interdite, c'est-à-dire que c'est une représentation grossière, il n'y a pas les détails, il n'y a pas de visage, il n'y a pas les mains et les doigts comme on le voit sur les poupées ou autres, il dit alors ceci est permis. Mais si cela est fait de plastique et que la représentation est précise, minutieuse dans les détails, alors ceci est interdit. Et il dit que ces poupées qui existent aujourd'hui sont plus proches des statues et de la ressemblance à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout est fait dans les moindres détails, plus encore que sur les statues qui ont été interdites. On ne trouvera pas sur les statues qui sont interdites les détails que l'on trouve sur ces poupées. Donc ceci entre dans l'interdiction. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite l'auteur, rahimahullah, est passé à la question du port de la bague et il a dit « وَلِيْرْتِيَارْ أَتَّخَتْتُمُ فِي الْيَسَارِ وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي الْيَمِينِ فَلَا بَسْ » Et ce qui est choisi, c'est-à-dire la vie que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a choisi, est de porter la bague sur la main gauche et s'il la porte sur la main droite, alors il n'y a pas de mal. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait une bague sur laquelle se trouvait son sceau pour la poser sur les lettres qu'il envoyait au roi. En effet, lorsqu'il voulut écrire une lettre, on lui a dit qu'il ne lisait pas les écrits qui leur parvenaient sauf s'il y avait sur cela un sceau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à porter pour cette raison une bague en argent. L'imam ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit « Porter une bague ne fait pas partie de la sunna, sauf pour celui qui en a besoin. » Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a porté en raison d'un besoin. Et d'autres ont dit que cela est recommandé car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite gardé cette bague et certains de ses compagnons, radiyallahu anhum, ont porté. Et si la personne porte une bague, alors il est recommandé de la porter sur la main gauche, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a portée sur la main gauche, comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Et s'il la porte sur la main droite, il n'y a pas de mal, comme le dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Et ce car dans un autre hadith, rapporté aussi par l'imam muslim, rahimahullah, Anas radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a porté une bague en argent sur sa main droite. Al-Hafid al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Ils sont unanimes, c'est-à-dire les gens de science, sur la permission de porter une bague sur la main droite et sur la permission de la porter sur la main gauche. Et il n'y a pas de réprobation sur une des deux mains. Mais ils ont divergé sur ce qui est meilleur. » Ils ont divergé sur ce qui est meilleur. Et si l'homme porte une bague, alors il est recommandé qu'il la porte sur son auriculaire, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur le petit doigt. Et il est détestable de la porter sur l'index ou sur le majeur. Car l'imam muslim rahimahullahu ta'ala rapporte, d'après Ali radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de porter une bague sur ses deux doigts, le majeur et l'index. Donc la sunna est de la porter sur l'auriculaire, il est permis de la porter sur l'annulaire ou sur le pouce, et il est détestable de la porter sur l'index ou sur le majeur. Et tout ceci concerne les hommes. Quant aux femmes, elles peuvent porter leur bague sur le doigt qu'elles désirent. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Les musulmans sont unanimes sur le fait que la sunna est que l'homme porte la bague sur son petit doigt, sur l'auriculaire. Quant à la femme, elle peut mettre des bagues sur tous ses doigts. » Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de porter une bague sur le majeur et l'index et ce qui est apparent, et Allah sait mieux, et qu'il visait par cela les hommes. Quant aux femmes, elles peuvent s'embellir sur l'ensemble de leurs doigts. » Ceci fait partie des parures qui leur sont permises. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné une autre question liée aux vêtements et il a dit « وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَا وَبَطَرَا » Et il n'est permis pour personne de laisser tomber son vêtement par orgueil et vanité. Il vise par cela l'interdiction de ce que l'on appelle « al-isbal » qui consiste à laisser traîner son vêtement et le laisser descendre en dessous des chevilles. Il nous dit que ceci est interdit. Cela n'est permis pour personne, c'est-à-dire parmi les hommes, de laisser tomber son vêtement sans raison, que ce soit un kamis, que ce soit un izar, que ce soit un sarwal, ou tout autre vêtement, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Et ceci fait partie des grands péchés. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. » Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Dawud et authentifié par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas. » Et qu'il ne regardera pas au jour de la résurrection, et qu'il ne purifiera pas, et qui auront un châtiment douloureux. Quatre sanctions. Allah ne leur parlera pas, il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Alors Abu Dharr, radiyallahu anhu, a dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Ils ont certes perdu et péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta cela à trois reprises. Puis il mentionna ces personnes, et la première qu'il mentionna est Al-Muzbil, celui qui laisse tomber son vêtement en dessous de ses chevilles. Donc vous voyez la gravité de ce péché. C'est une chose qui peut paraître insignifiante, mais cela fait partie des grands péchés dont l'auteur encourt les châtiments que vous avez entendus dans ce hadith. Et des gens de science ont dit que l'interdiction est spécifique à celui qui fait cela par orgueil et vanité. Et ils ont pris pour argument ce qui est rapporté concernant Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui avait une partie de son vêtement qui tombait, si celui-ci n'y faisait pas attention, et ce en raison de sa minceur, radiyallahu anhu. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « En ce qui te concerne, tu ne fais pas cela par orgueil. » À partir de là, ils ont dit que ceci est une preuve que celui qui ne le fait pas par orgueil, il ne rentre pas sous cette interdiction. Et l'avis le plus juste à ce sujet est que l'interdiction est générale, que la personne le fasse par orgueil ou non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, la partie du izar qui est en dessous des chevilles est en enfer, est au feu. Ceci est une menace sévère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas précisé ici que ce soit fait par orgueil. Et concernant Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit clairement que ceci arrive s'il n'y fait pas attention, donc on comprend que il relevait son vêtement. Donc si une personne a un vêtement qui tombe, mais qu'elle fait attention que ce vêtement ne dépasse pas ses chevilles, mais que par moment, lorsqu'elle marche ou lorsqu'elle est en activité, ce vêtement tombe en dessous de ses chevilles, par inadvertance. Et dès qu'elle s'en rend compte, elle le remonte. Celle-ci ne fait pas cela par orgueil, car elle y fait attention, comme le faisait Abu Bakr. Donc, elle est excusée pour ce motif. Mais celui qui laisse son vêtement traîner en dessous de ses chevilles, voire même au sol, du matin au soir, comment peut-il prétendre ne pas tomber sous la menace mentionnée dans ces hadiths? Ajoutez à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith « Prends garde à ne pas laisser tomber ton izar. » Car ceci fait partie de la vanité. Ceci fait partie de la vanité. Il a clairement dit que le simple fait de le laisser tomber en dessous des chevilles fait partie de la vanité. On rapporte de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, qu'il a dit « Je ne rapporte pas d'un tel, c'est-à-dire je ne rapporte pas ces hadiths, car ces sarawil sont au niveau de ses sandales. » Il laisse tomber son sarawil sur ses sandales. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, il n'a pas rapporté de lui pour cette raison. Et dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah n'aime pas les mousbilin. Il n'aime pas ceux qui laissent leurs vêtements tomber en dessous des chevilles. Donc tout ceci nous démontre que l'interdiction est générale. Et la sunna, pour l'homme, est de porter son vêtement à mi-mollet, ou alors jusqu'aux chevilles, sans dépasser les chevilles. Comme par exemple lorsqu'il fait froid, il peut avoir besoin de se couvrir jusqu'aux chevilles, sans les dépasser, sans laisser tomber son vêtement en dessous de ses chevilles. Et dans cette situation, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. La preuve, à ce sujet, le hadith de Jabir ibn Sulaym, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Lève ton isar jusqu'à mi-mollet, sinon jusqu'aux chevilles, et prends garde à laisser tomber ton isar, car ceci fait partie de la vanité, et Allah n'aime pas la vanité. » Et Allah n'aime pas la vanité. Donc la sunna pour l'homme est de porter son vêtement à mi-mollet. Il n'y a pas de gêne s'il y a un besoin à le laisser aller jusqu'aux chevilles, et il lui est strictement interdit de laisser tomber son vêtement en dessous des chevilles et encore moins le laisser tomber au sol. Wallahu al-musta'an. Et tout ce que l'on vient de mentionner concerne bien sûr exclusivement les hommes. Quant aux femmes, il leur est permis de laisser tomber leurs vêtements jusqu'aux pieds. Et même plus que cela, il leur est permis de laisser traîner leurs vêtements au sol. Comme cela est rapporté de Salama, radiyallahu anha, qui a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, et qui lui a dit de laisser le vêtement dépasser d'un empan. Elle a dit oui, mais dans cette situation, leurs pieds se découvrent. Il dit alors qu'elle le laisse dépasser d'une coudée, et qu'elle ne dépasse pas cela, qu'elle ne dépasse pas une coudée, c'est-à-dire à partir des chevilles. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala, car la femme, notamment lorsqu'elle sort, elle a besoin que son corps soit entièrement couvert. Et c'est pour cela qu'elle va laisser traîner son vêtement afin de couvrir correctement sa aura. Wallahu ta'ala a'lam. Toutefois, il est à souligner que elle ne doit pas exagérer à ce sujet comme le font certaines personnes qui portent des robes avec de longues traînées au point que cela nécessite que celles-ci soient portées par d'autres femmes. Et il n'y a pas de doute que ceci est une forme d'excès et de gaspillage, comme l'ont mentionné les gens de science. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, et on lira la suite des paroles de l'auteur dans le cours prochain. Inch'Allah ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.